À l'occasion de la Journée du Soleil, les rassemblements commémoratifs, séminaires sur les exploits du président Kim Il-sung et séances de musique ont eu lieu aux organisations politiques et sociales de l'Allemagne. Y ont pris part les personnalités des milieux politiques et sociaux et autres habitants. Les orateurs ont exalté le président Kim Il-sung qui a consacré toute sa vie pour la prospérité de la patrie et le bonheur du peuple et accompli des exploits immortels pour la réalisation de la cause socialiste dans le monde.